إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد. Chers auditeurs, nous avons lu hier les versets sur la création de notre père, Adam alayhi salam. Et nous avons vu qu'après avoir démontré aux anges son mérite, Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de se prosterner devant Adam afin de l'honorer. Les anges se sont alors tous soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais Iblis refusa de se soumettre, s'enfla d'orgueil et fut du nombre des mécréants. Suite à cela, Allah subhanahu wa ta'ala compléta son bienfait à l'égard de Adam alayhi salam, et ce en créant à partir de lui une épouse. Allah subhanahu wa ta'ala a donc créé Hawa à partir d'une côte de Adam, afin qu'elle soit sa compagne et pour qu'il trouve auprès d'elle la tranquillité et la quiétude. Et on rapporte que Adam ne ressentit aucune douleur lors de la création de Hawa. Il se réveilla et la trouva assise à ses côtés. Il lui dit alors « Qui es-tu ? » Elle répondit « Je suis ton épouse. Allah m'a créé pour toi afin que l'on trouve la tranquillité l'un auprès de l'autre. » Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonna ensuite d'habiter le paradis. Et il a dit à ce sujet, au verset 35 de Surat al-Baqarah, « وَقُلْنَا يَا آدَمْ أُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا » Et nous dîmes, « Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise. » C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur permit de manger des différents fruits du paradis, comme ils le voulaient, au moment où ils le voulaient et à l'endroit où ils le voulaient. Et il a dit à Adam alayhi salam, comme on le retrouve au verset 118 de Surat Taha, « Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra » Tu n'y connaîtras ni la faim ni la nudité. Et tu ne souffriras ni de la soif ni de l'ardeur du soleil. On voit donc que Adam alayhi salam et son épouse ont ainsi été honorés et comblés de bienfaits au paradis. Ils pouvaient manger ce qu'ils voulaient, à l'exception d'un arbre particulier duquel Allah subhanahu wa ta'ala leur interdit de s'approcher. Il a dit à ce sujet subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ Mais n'approchez pas de cet arbre, sinon vous seriez du nombre des injustes. C'est-à-dire que si vous approchez cet arbre, vous seriez injuste envers vous-même, car vous transgresseriez ainsi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a interdit. En effet, il est important de comprendre que lorsque tu commets un péché, lorsque tu transgresses les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu commets des mauvaises actions, tu ne causes aucun tort à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu ne causes du tort qu'à toi-même. Si tu fais des bonnes actions, c'est toi qui vas en tirer profit. Et si tu commets des mauvaises actions, c'est toi qui en supporteras la conséquence. C'est donc une injustice envers toi-même de commettre des péchés et des mauvaises actions. Donc ici, on voit que Adam et Hawa sont restés un certain temps au paradis afin de profiter de ses délices et de ses bienfaits. Et Allah subhanahu wa ta'ala les avait prévenus que le diable était pour eux un ennemi déclaré. Donc le diable, qu'est-ce qu'il faisait? Il les surveillait, il les observait, et il attendait une occasion afin de pouvoir les tenter. Il vint alors à Adam, alayhi salam, sous l'apparence d'un bon conseiller. Et il lui dit, comme on le retrouve au verset 120 de Surat Taha, « Ya Adam, هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ Ô Adam, veux-tu que je t'indique l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable ?» Voyez comme il a essayé de le tenter. Car Adam alayhi salam ainsi que son épouse espéraient rester au paradis. Donc il a essayé de le tenter en lui disant qu'il allait lui indiquer l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable. Et il ne cessa de leur suggérer ses mauvaises pensées et de leur enjoliver le mal, et de les leurrer et les tromper, jusqu'à les faire tomber dans le péché. Alors qu'ils juraient être pour eux un bon conseiller. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Le diable les fit alors glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Ils se laissèrent donc tromper par le diable, qui les fit sortir du bonheur et des bienfaits en abondance desquels ils jouissaient et dans lesquels ils se trouvaient au paradis. Et il les fit descendre sur terre, qui, elle, est une demeure d'effort, une demeure de peine, une demeure de fatigue. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. Et nous dîmes, descendez, descendez du paradis, ennemis les uns des autres. C'est-à-dire que Adam alayhi salam ainsi que sa descendance ont pour ennemi Iblis et sa descendance. Et les démons, ils redoublent d'efforts pour tenter et pour égarer les hommes parmi les enfants de Adam. Ceci est donc pour nous comme une mise en garde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous rappelle comment le diable tenta notre père Adam alayhi salam afin de nous avertir contre sa ruse, afin de nous avertir contre sa tentation, et afin de nous avertir et nous mettre en garde, en nous rappelant que le diable n'a pour objectif que de nous mener à notre perte et de nous obstruer le chemin vers le paradis, afin de nous conduire vers le feu de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet, au verset 8 de Surat Fatir, « Inna shaytana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa, innama yad'u hizbahu, liyakunu min ashabi sa'ir. » Le diable est pour vous un ennemi, prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Ceci est donc l'objectif du diable, te tenter à commettre le péché, afin de t'égarer du droit chemin et te conduire avec lui au feu de l'enfer. Tu dois donc sans cesse être sur tes gardes et ne pas te laisser piéger et te rappeler que ton ennemi redouble d'efforts pour t'égarer. Et ceci nécessite de ta part de grands efforts continus pour rester sur le droit chemin. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a exposé le but de la descente sur terre. Et il a dit, « وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٌ. » Et sur terre, il y a pour vous une demeure provisoire et une jouissance éphémère. C'est-à-dire que vous demeurerez sur terre jusqu'à la fin du terme de votre vie qui est fixé. Puis vous reviendrez à Allah subhanahu wa ta'ala et serez ramené à la demeure éternelle pour laquelle vous avez été créé. C'est-à-dire soit le paradis, soit l'enfer. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver du feu de l'enfer et de nous placer parmi les gens du paradis. On voit donc que la durée de notre vie sur terre, elle est limitée. Et que cette vie d'ici-bas est une vie éphémère, une vie temporaire qui ne dure pas. Tu n'es pas sur terre pour y demeurer éternellement, mais tu n'es sur terre que de passage. C'est un lieu de passage dans lequel tu es éprouvé. Et il t'incombe de profiter de ce passage, qui est un passage temporaire, afin de prendre tes provisions pour l'au-delà, qui est éternel. Et il est important de te rappeler constamment de cela. Et notamment, lors des épreuves et des difficultés. Rappelle-toi que ce bas monde est voué à disparaître. Et que si tu œuvres dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu t'écartes de ses interdits, alors c'est un paradis éternel qui t'attend pour l'au-delà. Aussi dures soient les difficultés que tu peux subir ici-bas, elles sont éphémères et elles ont une fin, incha'Allah ta'ala. Et si tu patientes et que tu te comportes de la manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est une récompense éternelle que tu trouveras auprès de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. De la même manière, tu dois te rappeler que tout plaisir que pourrait te procurer un péché ou un interdit, c'est un plaisir temporaire. Il ne dure qu'un instant. Et si tu ne te repens pas, il y a par contre un châtiment douloureux qui t'attend dans l'au-delà. Donc ceci doit t'aider à te maintenir sur le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a vu que Adam alayhi salam, il a été tenté par le diable et il s'est approché de cet arbre. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala guida Adam alayhi salam ainsi que son épouse au repentir sincère. Il dit subhanahu wa ta'ala, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles et Allah agréa son repentir car c'est lui certes le repentant, le miséricordieux. Donc Adam et son épouse ont reconnu leur péché. Et ils se sont repentis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont dit, comme on le retrouve au verset 23 de Surat al-A'raf, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ô notre Seigneur, nous avons été injustes envers nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Donc suite à cela, Allah subhanahu wa ta'ala accepta leur repentir et effaça le péché qu'ils avaient commis, car Allah subhanahu wa ta'ala est clément et miséricordieux. Et il pardonne à celui qui se repent de ses péchés. Toutefois, ils sortirent tout de même du paradis et descendirent sur terre, et Allah subhanahu wa ta'ala les informa qu'il allait les éprouver, eux ainsi que leurs descendance, et que ceux qui croiront en Allah et œuvreront pieusement seront récompensés au bien. Quant à ceux qui se détournent et se rebellent, ils goûteront alors au malheur éternel, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Allah subhanahu wa ta'ala a donc dit au verset 38 de Surat al-Baqarah, « قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ » Nous dîmes, descendez tous du paradis, et à chaque fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse ici aux hommes et aux djinns et les informe qu'à chaque fois qu'un guide leur parvient de sa part, c'est-à-dire un messager et un livre, alors ceux qui le suivront, c'est-à-dire qui croiront au livre et au messager, n'auront rien à craindre et ne seront point affligés, c'est-à-dire qu'ils connaîtront le bonheur ici-bas et dans l'au-delà, bi'idhnillahi ta'ala. Quant à ceux qui ne suivront pas ce guide, ceux qui mécroiront au livre et mécroiront au messager. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit à leur sujet dans le verset suivant, « وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » Et ceux qui mécroient et traitent de mensonges nos signes, ceux-là sont les gens du feu et ils y demeureront éternellement. C'est-à-dire qu'ils n'en sortiront pas, que leur châtiment ne s'arrêtera jamais. Ce sera un châtiment douloureux et éternel, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de cela. On voit donc que ce récit est un récit très riche en leçons et en enseignements. On voit à travers celui-ci, premièrement, une mise en garde très claire contre la ruse du diable et sa tentation. Tu vois dans ce récit comment le diable a réussi à tenter notre père Adam ainsi que son épouse Hawa, jusqu'à les faire sortir du paradis. Alors que dire de nous qui sommes des serviteurs faibles? Il n'y a pas de doute que nous sommes en grand danger et que nous ne devons en aucun cas baisser la garde. Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévenus contre cela. Il nous dit dans son noble livre, « Ya bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-jannah. » Ô enfant d'Adam, que le diable ne vous tente point comme il a fait sortir vos deux parents du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle cela afin que nous soyons sur nos gardes. Et on a vu que pour atteindre son but, le diable s'est présenté à Adam alayhi salam comme un bon conseiller, et ce afin de le tromper. Et c'est ainsi que le diable s'y prend, en y allant pas à pas, étape par étape. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre le fait de suivre ses pas. Il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, « Ya ayyuha alladhina amanu, la tattabi'u khutuwati shaytan. » Ô vous qui croyez, ne suivez pas les pas du diable. Ne suis pas ses pas. Ne suis aucune des suggestions du diable. Et ne pense pas qu'il va venir à toi en te proposant clairement de t'égarer et de te faire sortir du droit chemin ou de la religion de l'islam. Mais il va y aller pas à pas, étape par étape. Il va commencer peut-être par te faire délaisser certaines œuvres surérogatoires. Ou alors, il va te pousser à accomplir certaines œuvres de bien au détriment d'autres œuvres qui sont plus méritoires. Puis ensuite, il va te pousser à commettre certains petits péchés, puis faire en sorte que tu persistes sur ces péchés, jusqu'à ce que ces péchés deviennent pour toi une habitude. Puis il te poussera alors à commettre des grands péchés. Et son objectif final est de te pousser à la mécréance et au polythéisme. Regarde à titre d'exemple, un exemple concret que tu as déjà dû vivre à plusieurs reprises. Lorsque tu prends ton téléphone en main ou lorsque tu vas sur Internet Peut-être qu'au début, tu te dis, je vais ouvrir mon compte Twitter ou mon compte Facebook pour lire des paroles profitables, je vais aller lire des rappels. Et déjà, cela, c'est une ruse du diable. Car ces réseaux, même s'il y a des choses profitables qui y sont propagées, le mal et le faux y sont bien plus abondants. Donc il te pousse à cela. Il te dit, va sur ces réseaux, va lire des rappels, va lire des paroles profitables. Puis ensuite, petit à petit, de page en page, de compte en compte ou de vidéo en vidéo, tu vas te retrouver à regarder quoi? Des choses interdites auxquelles tu n'aurais peut-être jamais pensé. Et ce, comme on a dit, car le diable y va pas à pas. Tu dois donc être sur tes gardes dès le premier pas, le repousser, t'en détourner et implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te protège contre son mal. La deuxième leçon, le deuxième enseignement que l'on tire de ce récit, c'est une mise en garde contre le danger de la convoitise, qui désigne le désir de posséder une chose et d'en profiter. Médite sur ce conseil trompeur qu'a adressé le diable à Adam alayhi salam. Il lui a dit, veux-tu que je t'indique l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable? Il l'a donc attiré à lui par ce qu'il désirait, car Adam alayhi salam et son épouse, ils se sentaient bien au paradis, ils espéraient y rester. Et ce désir les poussa à s'approcher de l'arbre qui leur était interdit. Et de la même manière, beaucoup de gens, lorsqu'ils désirent une chose et la convoitent, ils finissent souvent par tomber dans l'interdit pour atteindre leur but. Combien de personnes qui désirent être riches, désirent avoir beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'ils font au final? Ils acceptent toutes sortes de travail, même si c'est un travail interdit. Il se peut qu'ils tombent dans al-riba, dans l'intérêt usuraire. Pourquoi? Parce qu'ils convoitent le fait d'avoir une maison, avoir une belle voiture, une belle maison. Alors il tombe dans toutes sortes d'interdits. Il gagne son argent de manière illicite, il vend des produits interdits, et ainsi de suite. Également, un autre exemple très concret, certaines personnes, lorsqu'elles sont célibataires et qu'elles désirent se marier, ce désir, il les pousse parfois à tomber dans des choses illicites. Celui-ci va sur Internet et se met à parler avec des femmes étrangères. Celle-ci également répond à des hommes étrangers, et ainsi de suite, parfois même jusqu'à tomber dans des graves péchés. Et la base, c'est quoi? C'est cette convoitise, ce désir d'obtenir une chose. Tu dois donc sans cesse te rappeler qu'il t'incombe de te conformer à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala en toute chose. Et tu dois être satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Et si tu as été privé d'une chose parmi les biens de ce bas monde, tu dois te rappeler qu'il y a peut-être un bien pour toi en cela. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans son noble livre, « Wa asa an takrahu shay'an, wa huwa khayrun lakum » وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose, alors qu'elle est mauvaise pour vous. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Tu dois avoir la certitude que le bien est dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour toi. Combien de personnes convoitaient la richesse? Ils l'ont peut-être obtenu de manière licite, mais lorsqu'ils ont eu l'argent, cet argent fut la cause de leur égarement. Ils se sont enorgueillis, ils ont utilisé cet argent dans le mal et les mauvaises actions. Cet argent leur a permis d'atteindre des objectifs illicites et des péchés qu'ils n'auraient pas pu atteindre s'ils étaient pauvres. Donc lorsqu'il était pauvre, il pensait que l'argent était un bien pour lui, mais en réalité cet argent a été la cause de sa perdition. Également, combien de personnes désiraient à tout prix se marier? Puis une fois mariés, le mariage fut pour eux la cause de leur malheur et de leur affliction. Tu dois donc sans cesse être satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour toi. Et si tu souhaites obtenir une chose licite, alors tu te dois d'emprunter les voies licites pour l'atteindre et prendre garde à ce que ton désir ne te pousse pas à tomber dans l'interdit et les péchés. Troisièmement, on tire comme bénéfice de ce récit que nul parmi nous n'est à l'abri de l'erreur. Nous commettons tous des péchés. Comme il est venu dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tous les enfants d'Adam font des erreurs, font des péchés. Mais qu'est-ce qu'il t'incombe lorsque tu commets un péché? C'est de te repentir. Et les meilleurs de ceux qui font des erreurs, ce sont ceux qui se repentent. Donc lorsque tu commets un péché, il te convient de t'empresser de te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère. À l'exemple de Adam alayhi salam, et de son épouse qui se sont repentis immédiatement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle que soit la gravité du péché que tu as commis, tu dois toujours garder espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et espoir en sa miséricorde. Tu dois avoir une bonne opinion de ton Seigneur et te rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés, à condition que tu accomplisses un repentir sincère. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dit: Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. C'est certes lui le pardonneur, le très miséricordieux. Donc tu ne dois jamais désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi graves soient les péchés que tu as commis, mais tu dois t'empresser de te repentir et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère. Toutefois, tu dois savoir que le repentir, il ne se limite pas à la langue. Il ne suffit pas de dire « je me repens » ou « astaghfirullah » puis de continuer le péché. Mais le repentir, il a des conditions. Et ces conditions, elles doivent impérativement être remplies pour que le repentir soit accepté. La première condition, c'est que tu dois délaisser le péché et t'en écarter, immédiatement. Tu ne dois pas dire « je me repens à Allah » alors que tu n'as pas abandonné le péché, que tu continues de le commettre. Non, si tu veux te repentir, tu dois immédiatement cesser ce péché et t'en écarter. La deuxième condition, c'est que tu prennes la résolution et que tu aies la ferme volonté de ne pas commettre ce péché une seconde fois. Donc celui qui se repent à Allah mais qui a l'intention de refaire le péché, il se repent aujourd'hui d'un péché mais il sait que demain il va le recommettre. Alors celui-ci, ce n'est pas un repentir sincère, c'est un repentir temporaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas ce repentir. À l'exemple de ceux qui délaissent leur péché seulement pendant le mois de Ramadan. Il commence le mois de Ramadan en dénonçant un péché, et il sait qu'une fois le mois terminé, il va reprendre ce péché. Il a déjà l'intention de le recommettre. Il prie seulement pendant le mois de Ramadan. Il délaisse la cigarette seulement pendant le mois de Ramadan. Elle met le voile seulement pendant le mois de Ramadan. Et dès le premier jour, il sait déjà que le jour du Eid, il va recommettre ce péché. Cela, ce n'est pas un repentir sincère. C'est un repentir temporaire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Au contraire, peut-être que ceci sera une cause pour t'aider à persister sur le bien après le mois de Ramadan. Mais tu dois avoir une bonne intention. L'intention de délaisser ce péché et de ne plus le recommettre. Non pas avoir l'intention qu'une fois le Ramadan terminé, tu reprends ta vie comme si de rien n'était. Ceci n'est pas un repentir sincère. La troisième condition est que tu regrettes ce qui s'est passé. C'est-à-dire que lorsque tu penses à ce péché, tu en as peur. Tu as des regrets, des remords. Tu as peur que ce péché ne soit pas pardonné. Tu regrettes ce que tu as commis. Tu ne t'en réjouis pas. Il y a certaines personnes qui parlent de leur péché passé et qui en sont fiers. Ceci s'oppose aux conditions du repentir. Donc il est impératif que tu aies des regrets, que tu aies des remords du fait d'avoir commis ce péché. Et s'ajoute une quatrième condition qui est nécessaire si le péché est lié au droit des créatures, qui est de réparer les torts causés. Si par exemple tu as volé un objet, que tu le remettes à son propriétaire et ainsi de suite. Tu répares les torts causés. Et ces quatre conditions sont les conditions du repentir qui, si elles sont remplies, alors Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir comme il l'a promis. Il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre: Wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila saliha thumma tada. Et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, mais dites sur la suite, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le droit chemin. Ce n'est pas celui qui dit simplement « je me repens ». Mais il croit et la foi en Allah, il fait bonne œuvre, il multiplie les bonnes actions. Et il se met sur le droit chemin, il délaisse ses péchés. La quatrième leçon, ou le quatrième enseignement que l'on tire de ce récit, est que notre passage sur terre est temporaire. Par conséquent, il ne convient pas d'être attaché à cette vie d'ici-bas. Mais tu dois te rappeler que tout ce qu'il y a sur terre est voué à disparaître. Et tu es sur terre afin d'être éprouvé, afin de prendre tes provisions pour l'au-delà, pour œuvrer dans le bien, afin de trouver la récompense de tes œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois sans cesse te rappeler de cela, te rappeler que cette vie n'est pas éternelle. Il y a certaines personnes parfois qui ont des grands projets, des projets mondains, qui prennent le dessus sur leurs devoirs religieux. Celui-ci a un commerce, celui-ci veut construire une maison, celui-ci et celui-ci, ainsi de suite. Et ces projets, ils prennent le dessus sur leurs devoirs religieux. Il se peut que cela le pousse à délaisser sa prière, ou à la négliger, ou à la retarder de son temps, à délaisser certaines de ses obligations, et ainsi de suite. Et ceci est une erreur. Sans parler du fait qu'il est interdit de délaisser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour nous, et de transgresser ses interdits. En plus de cela, celui qui fait prévaloir ce bas monde à l'au-delà, il fait prévaloir une chose qui est vouée à disparaître au détriment d'une chose qui est éternelle. Celui qui, par exemple, délaisse sa prière en raison de son travail pour obtenir un salaire, ce salaire, il va le gagner, il va le dépenser, il est temporaire. Mais cette prière qu'il a délaissée, il aura des comptes à rendre pour cela au jour de la résurrection. Tandis que celui qui fait prévaloir sa prière, prévaloir l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, la récompense de cette prière, c'est une récompense éternelle, incha'Allah ta'ala. Tu dois donc te rappeler qu'il nous incombe de faire prévaloir ce qui est lié à l'au-delà, à ce qui est lié à ce bas monde qui n'est qu'éphémère. La cinquième leçon que l'on tire de ce récit est que dans l'au-delà, les gens seront divisés en deux groupes. Un groupe ira au paradis pour y demeurer éternellement, et un autre en enfer pour y être châtié éternellement. Et le fait de croire en cela doit te pousser à tout mettre en œuvre pour faire partie des gens du paradis et être préservé du feu de l'enfer. Et pour ce faire, tu te dois de suivre le guide qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé, qui n'est autre que Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes et des messagers. Tu te dois de suivre pleinement cette religion, te conformer aux enseignements du Coran et de la Sunna, faire prévaloir les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toute autre loi ou toute autre législation. Et c'est ainsi que tu trouveras le bonheur ici-bas et dans l'au-delà, bi'idhnillahi ta'ala. Bien sûr, il se peut que tu sois éprouvé. Il se peut que tu subisses certaines difficultés. Il se peut que tu sois opprimé. Mais tu dois patienter. Et tu dois t'accrocher fermement à ta religion. Car c'est par ces épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala distingue entre le croyant véridique de l'hypocrite. Enfin, sixièmement, on tire comme bénéfice de ce récit que l'on compte parmi les objectifs du mariage que les époux trouvent la tranquillité et la quiétude l'un auprès de l'autre. Et cela est une chose très importante qu'il est nécessaire de concrétiser car elle va mener à la stabilité du couple et à la stabilité de ce foyer. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas conscience de cela. Ils n'ont pas conscience de la valeur de leur époux ou de leur épouse. Ils les négligent, ils les méprisent, ils les rabaissent. Il se peut même que certains considèrent leur conjoint comme un ennemi, avec qui ils sont toujours en conflit, toujours en dispute, toujours en discorde. Ils n'ont pas conscience que cette union, elle a pour but d'atteindre la sérénité. Lorsque tu te maries, l'objectif est de trouver la quiétude et la tranquillité auprès de ton conjoint. L'objectif est de vous entraider dans le bien et la piété. L'objectif est de vous conseiller mutuellement afin de vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela l'objectif du mariage. Ce n'est pas les disputes et les discordes. Bien sûr, ces disputes, elles sont inévitables. Mais on doit y remédier en se conformant à ce qui est venu dans le Coran et la Sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci était donc quelques leçons et quelques enseignements tirés de ce récit. Et on verra dans le cours de demain, incha'Allah ta'ala, l'histoire des deux fils d'Adam, alayhi salam, Habil et Qabil, et comment l'un on est venu à tuer l'autre. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.